C'est encore moi. Comment allez-vous? C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 455C. C'est pour confiner malgré moi, puisque pour l'instant, on ne peut toujours pas retourner à la radio. Donc, on fait une 10e session de home recording avec quand même un album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Imagine de John Lennon en 1971. On écoutera Imagine, forcément. Il y aura Cripple Inside, il y aura Give Me Some Truth, il y aura Jealous Guy, It's So Hard, et on terminera avec Oh My Love. Mais il y aura aussi du McCartney, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour McCartney, dès la deuxième chanson, le superbe morceau Little Lamb Dragonfly, qui dure plus de 6 minutes, je crois, en 1973 sur l'album Red Rose Speedway. George Harrison nous chantera I Live For You, qui aurait dû figurer à l'origine sur All Things The Space, qui avait été écarté de l'album parce que trop de chansons probablement, mais qui est un petit bijou et qui a heureusement été réintégré à All Things The Space lors de la réédition en l'an 2000. Il y aura pour Ringo Starr Waiting sur Bocoups of Blues. Quant aux Beatles, ils nous chanteront Across the Universe. Cette saga est enregistrée à la maison, donc je vous la propose directement en podcast. Je vous propose, allez, maintenant on va l'ouvrir à 20h. Vous l'ouvrez le jour, le mercredi, le 20 il me semble, le 20 mai, à 20h pile. Et puis on commente sur le groupe Facebook La Saga des Fab Four. Voilà. Et puis pour le reste, j'espère que tout va bien se passer. Parlez-en autour de vous, parce qu'on finira par retourner sur RIG90.7 ou www.rigfm.fr. C'est la radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h, ok? Allez, je sens que vous êtes chaud, je sens que vous êtes prêts. Autant démarrer avec l'album extraordinaire de John Lennon en 1971. Cet album avec cette chanson qui est franchement la meilleure de ce qu'il ait pu faire après les Beatles. Cette chanson qui s'appelle Imagine. C'est sur RIG, c'est en tout cas dans la saga des Fab Four, numéro 455, qui commence maintenant. Bonne soirée à vous toutes et tous. Thank you. Imagine est une chanson de John Lennon. Il s'agit du premier morceau qui apparaît dans son album Imagine de 1971. Bien que crédité seulement de Lennon, la contribution de son épouse Yoko Ono à la chanson a été largement reconnue. Cette dernière ne sera créditée qu'en 2017 seulement. Et mignonne, parce que le thème central de la chanson est inspiré par Cloud Peace, un poème de 3 lignes seulement d'instruction paru dans un livre Grapefruit de Yoko Ono qui date de 1964. Et les mots sont d'ailleurs reproduits sur la couverture arrière de l'album Imagine. Et rien qu'à cause de ça, eh bien, on considère qu'elle est co-auteure de la chanson Imagine, ce qui me laisse pantois, quand même. Parce que si elle avait du talent, ça se saurait. Produite par John et Yoko et Phil Spector, la chanson est réapparue comme numéro 1 des ventes aux États-Unis en janvier 1981, dans le mois suivant l'assassinat de John à New York. Cet hymne pacifiste et utopique invite l'auditeur à imaginer un monde sans frontières, sans pays, sans religion, sans raison de tuer ou de mourir pour une cause, sans possession, au sein d'une grande fraternité humaine. Vous pourriez dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour vous nous rejoindrez et le monde ne fera plus qu'un. Imagine est considérée comme une des meilleures chansons pop jamais créées. Le magazine Rolling Stones la consacrant 3e plus grande chanson de tous les temps ayant façonné le rock and roll. La chanson a également reçu en 1999 un Grammy Award remis à John Lennon à titre posthume et Plastic Ono Band pour sa signification historique ou qualitative. Le 14 juin 2017, la National Music Publishers Association lui décerne le prix de la chanson du siècle. Et pour la même occasion, Yoko Ono est officialisée comme co-auteur. Ouais, voilà. Bon, chanson suivante, c'est Paul McCartney et Little Lamb Dragonfly. Thank you. Little Lamb Dragonfly par Paul McCartney en 1973 sur l'album Red Rose Speedway. Excusez-moi d'être encore bouleversé, mais donner Yoko Ono comme co-auteur de Imagine juste parce qu'elle a inspiré John Lennon, c'est gonflé quand même. Ça m'énerve. Bon. Allez, George Harrison maintenant. I live for you. Je vis pour vous. Yesterday.

comme je sais que régulièrement vous dites quelle voix au sujet de John Lennon, et c'est vrai qu'il avait une très très belle voix, je vous en ai mis plein. Cripple Inside sur l'album de la semaine de 1971 par John Lennon. Baby You're a Rich Man, composé de deux chansons, une partie de John Lennon, une partie de Paul McCartney, mais chantée principalement par John Lennon. Et à l'instant, sur l'album blanc de 1968, Julia, évidemment, qui parle de sa mère, Julia. Donc je vous propose de continuer, mais on va quand même changer d'interprète. C'est Paul McCartney, en 2005, sur le fantastique album Chaos and Creation in the Backyard. Voici Follow Me, dans la saga des Fab Four, numéro 455. Une saga confinée, encore à la maison, on ne peut pas retourner à la radio pour l'instant, donc je l'enregistre et je vous le propose directement en podcast. You lift up my spirits, you shine on my soul. Whenever I'm empty, you make me feel whole. I can rely on you to guide me through any situation. You hold up a sign that reads, follow me. You give me

Connaissez maintenant, si je laisse un peu la place à John Lennon, deux ou trois chansons, je corrige tout de suite en mettant deux ou trois chansons de Paul McCartney, parce qu'il se trouve que Paul McCartney, c'est mon chouchou. Voilà. Et donc, nous avons entendu Domino's, extrait de Egypt Station, l'album de 2018, puis About You, à l'instant, de Paul McCartney aussi, sur l'album Driving Rain, en 2001. Je pourrais vous mettre un autre McCartney, mais j'ai pas envie que vous disiez « Oh là là, il met toujours du Paul McCartney ». Alors donc, on va mettre quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est John Lennon. Sur le White Album, l'album blanc encore, de 1968. Et c'est Glass Onion. vous écoutez la saga des Fab Four 455, c'est confiné puisque on ne peut pas retourner à la radio pour l'instant, ça ne tardera pas à revenir à la normale, mais pour le moment, eh bien je reste à la maison pour faire de la radio que je vous propose en podcast directement. Et j'espère que vous êtes sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four pour commenter avec moi. On reste lié à l'album blanc parce que la chanson à l'origine s'appelait Child of Nature. Il n'a pas gardé cette chanson-là parce qu'elle ressemblait dans le style, dans le thème plutôt, à Mother Nature's Son de Paul McCartney. Donc il l'a mis derrière lui dans un tiroir en se disant « je m'en resservirai plus tard ». Il s'en est resservi 4 ans plus tard. En 1971, sur l'album Imagine, qui est l'album de la semaine, John Lennon a repris l'air de Child of Nature et a complètement changé les paroles pour que cela devienne Jealous Guy, une superbe chanson signée John Lennon. Et alors là, on va dire, comme il parle de Yoko, elle pourrait être co-auteur de la chanson. Et oh, quand même, non, c'est John Lennon. Maintenant arrive le temps de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou séparément en carrière solo. Mais une chanson, si un artiste reprend cette chanson-là, ça devient la cover, même si eux-mêmes faisaient la cover, par exemple, de Little Richard ou de qui que ce soit. Ou même George Harrison en solo, par exemple, lorsqu'il reprend Baltimore Orioles, il fait une cover, mais si quelqu'un d'autre le chante, c'est la cover de la saga des Fab Four. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Cette cover-là, je suis allé la chercher en 2016 par un petit groupe assez connu quand même. Et vous allez voir, il manque quelque chose, on en parle après. Voici les Rolling Stones en live et Come Together dans la saga des Fab Four. Good looking. Alors, je suis désolé, monsieur, dame. J'aime beaucoup les Rolling Stones et je trouve qu'ils ont fait des chansons absolument fabuleuses. Mais là, la reprise, il manque pas mal de choses. Elle est pas extraordinaire, franchement. D'abord, ça prouve également, cette reprise-là, quand on l'écoute, que les Beatles faisaient de la magie lorsqu'ils étaient tous les quatre ensemble. Chacun apportait au morceau. Y compris Ringo Starr, oui, parce que si vous réécoutez la chanson comme on va le faire dans quelques secondes, avec le riff de batterie en plus, qu'a trouvé certainement Ringo Starr, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Thank you.

plus dur, bien entendu, c'est d'arrêter là et de se forcer à changer de musique parce qu'on a envie d'écouter la suite. Là, vous attendiez le piano. Eh bien, ce sera pour une autre fois. Vous êtes bien dans la saga des Fab Four numéro 455. C'est pour confiner à la maison puisque je ne peux toujours pas retourner à la radio pour le moment. Donc, je vous la propose directement en podcast. Et l'album de la semaine de cette saga, c'est l'album Imagine de John Lennon. En voici un avant-dernier extrait. C'est si dur, it's so hard, disait John Lennon. Paul McCartney here, and you're listening to Widescreen Radio. J'aime bien cet album qui a déjà 12 ans, 2008 pour l'album Electric Arguments de Paul McCartney, sorti sous le nom du le pseudo de The Fireman. Il avait sorti deux albums précédemment qui n'étaient que des instrumentaux. Et puis le troisième, il a décidé de le chanter. Pour, de toute façon, tout le monde savait que The Fireman, c'était Paul McCartney. Et bien là, il a assumé. Et en fait, il a tellement assumé que, en ce qui me concerne, je n'aurais vu aucune... ça ne m'aurait pas gêné du tout, aucune gêne, oui, voilà, qu'il sorte l'album sous le nom de Paul McCartney. Aucun problème, puisque l'identité secrète était éventée, et surtout, c'est un bon album, un très très bon album. Voilà. Vous êtes sur la saga des Fab Four, sans doute chez vous en train de l'écouter sur un ordinateur ou autre chose, puisque c'est une saga enregistrée à la maison et que je vous propose directement en podcast. Et la suite de la saga, c'est deux Beatles à la suite et deux génies, deux coups de génie de John Lennon. On écoute Strawberry Fields Forever, suivi de I Am The Walrus dans la saga. 1, 2, 3, 4... Strawberry.

serviceable villain. Dubious to the vice of my mistress, sad to the retire. Is he dead? Sit you down, father. Can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. J'aime cette chanson de George Harrison en 1975 sur l'album Extra Texture, Read All About It. Le titre du morceau, vous l'avez entendu, Can't Stop Thinking About You, je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. On revient une dernière fois à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Imagine de John Lennon, sorti en 1971. Voici Oh My Love. C'est un autre morceau dont la structure date des titres composés par Lennon en 1968 en prévision de l'album blanc. Douce et brève évocation d'une tendresse naissante, Oh My Love se glisse modestement entre deux des attaques les plus violentes et enthousiastes de l'album.

Terminer l'émission puisqu'on approche des deux heures avec trois chansons de plus. D'abord la démo faite par Paul McCartney de Goodbye qui est apparue sur la ressortie de Abbey Road, l'édition Super Deluxe. Puis I Saw Her Standing There et on terminera avec Ringo Starr Going Down. Please don't wake me up too late. Bum, bum. must be by his side. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? One, two, three, four! Oh, and I saw her stand. je sais, oh déjà, on aimerait bien que ça dure plus longtemps. Oui, moi aussi, mais j'ai autre chose à faire. Oh non, j'ai rien d'autre à faire. C'était la 10e home recording session, donc la saga numéro 455 en C, c'est pour confiner. Je vous remercie de l'avoir écouté, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Alors on va dire que tant que je n'ai pas de nouvelles, ce sera des sagas confinées. Donc vous en saurez plus quand j'en saurai plus également. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très très bientôt. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. Salut, ciao. Yeah.